Salut, salut, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Et c'est l'émission de novembre 2023, une émission spéciale, près de 3 heures, dédiée au rock progressif américain symphonique des années 70. Cette émission vient illustrer l'ouvrage brillant signé par notre ami François Robinet, dédié justement à ces groupes connus ou moins connus, Made in USA pendant les années 70, un livre, un ouvrage paru aux éditions Camion Blanc. Vous avez certainement reconnu en introduction, en générique, un morceau de Happy the Man, un album intitulé Crafty Hands. Ce morceau, Service with a Smile, a été pendant longtemps l'indicatif d'une émission sur une radio périphérique. Happy the Man, je rappelle, est une formation qui vient de Virginie. De la Virginie, nous passons au New Jersey avec une formation intitulée Earth Rise, un album éponyme daté de 78. Earth Rise. Astray, lui, vient de l'Oklahoma. Un album intitulé Foresight, un album de 81. Nous partons en Californie maintenant avec Chakra, une formation qui sort un album éponyme en 79. Chakra. Trying to tie up ends for losers. et hop, de la Californie, on bondit vers Chicago avec Gabriel Bondage. Gabriel Bondage, auteur de plusieurs albums, dont le Angel Dust. Angel Dust, qui date de 75. Down by the river, while the moon is overhead, look down into the darkness there. Try to think of what he said. Does the color blue look blue to you? Or is it just a name? Do the moon and stars really rise? Or do they remain the same? Down by the river, while the moon is overhead, look down into the darkness there. Try to think of what he said. If you reach the end of the universe, you'll fall. He has prejudged your curiosity. Long ago he built the wall. Partons maintenant pour l'Oakland. L'Oakland avec une formation intitulée North Wind. North Wind. et leur album Distant Shores est daté de 78. Thank you. Ne pas confondre North Wind avec White Wing, qui lui vient du Dakota du Sud, un album éponyme de 75, White Wing. Nous partons maintenant pour l'État de Washington et une formation intitulée tout simplement GLASS, G-L-A-2-S. No Stranger to the Skies date de 2004, mais c'est en fait une compilation de très vieux morceaux. Ah, voilà une des formations que je préfère. Je veux parler de Cathedral. Cathedral, un album intitulé Stained Glass Stories, un album de 78, une formation qui vient de New York et très, très influencée par Yes. Thank you. Bye. autre moment fort de l'émission avec le groupe de Louisiane Lift et leur album Caverns of Your Brain de 77. Caverns of Your Brain. Ces gens de Kentucky, du Kentucky, ont eu du succès avec leur album Now and Then, un album de 79. Je veux parler de Easter Island. Easter Island, Now and Then, 79. Oh, Atlantis Philharmonic vient, lui, d'Ohio, et leur album éponyme de 1974 est tout aussi un petit bijou. We'll be right back. et hop, on saute en Indiana, Indiana où j'ai des amis d'ailleurs, avec la formation Ethos, qui a eu son moment de gloire même par chez nous. Je connais deux albums, dans ma collection j'en ai deux, et je vous propose un extrait du premier qui s'intitule Harder, qui date de 76. Ethos, E-T-H-O-S. Inside the box, a box without top, so entrance to the De l'Indiana, on passe à l'Oregon avec Harlequin Mass. Harlequin Mass, album éponyme lui aussi de 78. You know me. On repart pour la Floride avec Babylon qui a eu aussi sa petite heure de gloire, un album éponyme de 78, Babylon. Le Connecticut a su également mettre sa pierre à l'édifice avec une formation intitulée Holding Pattern. Holding Pattern, je n'ai dans ma connexion que deux albums et je vous propose Majestic. Thank you. Autre moment fort de l'émission avec une formation qui vient de l'Arkansas. Cette formation s'intitulait Léviathan. Léviathan, disque éponyme de 1974 et vous allez voir, c'est vraiment très chouette. Countryside, where you've never been. The moon is bright, demons are in flight. We'll find a special glint. You will see a mystery castle floating. Thank you. the darkness gone? Was it all just a dream? Your endless plight to know which one is right. Encore le Kentucky, non pas pour les Kentucky Fried Chicken, mais pour Pre-PRE, un album éponyme de 94, mais qui est une compilation de vieux morceaux des années 70. Time for class, answer came.

Surprise ! C'est pas vraiment une surprise, puisque ce groupe a eu aussi un certain succès, Surprise, avec un concept album intitulé Assault on Maryland, un concept album de 77, et je rappelle que Surprise venait du Missouri. Stop. On termine avec Azurette, A-Z-U-R-E-T-H. Un petit clin d'œil à mon ami Rivera, Stephen Rivera, qui est un des membres fondateurs de Caladan's Moon. Yesterday's Future, Tomorrow's Past, un album de 2004, mais qui lui regroupe aussi des anciens morceaux, et une superbe reprise d'un morceau de Genesis, Afterglow. Et on termine en se faisant plaisir avec un petit florilège des meilleurs morceaux, des groupes les plus connus. Je veux parler tout d'abord de Pavlov's Dog, Pavlov's Dog, avec un album de 76 intitulé Pampered Menial, Pampered Menial, le sous-homme choyé, je traduis, un groupe qui venait du Missouri, lui aussi, comme surprise, et un album de 76. Le morceau a eu son heure de succès, morceau qui s'intitule Julia. Begging for just a bit more, and Julia, I couldn't do much better than you. Said so yourself. Star Castle, ah Star Castle, qui ne connaît pas le Yes américain Star Castle et ses 5 albums somptueux. Je vous propose un extrait de leur premier opus sorti en 76, un opus intitulé tout simplement Star Castle. Et je précise pour finir que ce groupe vient de l'Illinois. Star Castle tout de suite. We'll be right back. est-il bien nécessaire de préciser que Kansas venait du Kansas? Je pense pas. Bon, ça c'est le groupe phare du rock progressif symphonique des années 70, toujours vivant. Un extrait de Point of No Return de 77 avec le super Dust in the Wind. Enfin, Fire Ballet, un groupe qui lui vient du New Jersey. Fire Ballet avait fait notamment un album superbe reprenant Une nuit sur le Mont Chauve. Ça date de 75, mais j'ai préféré vous passer un morceau court avec une influence genesisienne absolument évidente. Love. Voilà, j'espère que ces 3 heures vous auront permis de découvrir des formations américaines, illustrant ainsi que le continent américain eh bien, est aussi une terre fertile en la matière, en matière donc de rock progressif symphonique dans les années 70. Et vous savez très bien que ça a continué ultérieurement. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ainsi s'achève Prog à part, l'émission du rock progressif et la version sonore d'Acid Dragon présentée et proposée par votre humble serviteur Thierry Sportouche avec le soutien logistique de Roland Rock. Je vous donne rendez-vous dans un mois et puis d'ici là, suivant la formule consacrée, tenez tati, take care, stay safe. Bye bye.